Après le déjeuner, on annonça le marchand, l'artiste et le groupe. La rougeur subite qui colora sa fille rendit la baronne d'abord inquiète, puis attentive, et la confusion d'Hortense, le feu de son regard, lui révélèrent bientôt le mystère, si peu contenu dans ce jeune cœur. Le comte Steinbock, habillé tout en noir, parut au baron être un jeune homme fort distingué. « Feriez-vous une statue en bronze ? » lui demanda-t-il en tenant le groupe. Après avoir admiré de confiance, il passa le bronze à sa femme qui ne se connaissait pas en sculpture. « N'est-ce pas, maman, que c'est bien beau ?» dit Hortense à l'oreille de sa mère. « Une statue, monsieur le baron, ce n'est pas si difficile à faire que d'agencer une pendule comme celle que voici et que monsieur a eu la complaisance d'apporter, » répondit l'artiste à la question du baron. Le marchand était occupé à déposer sur le buffet de la salle à manger le modèle en cire des 12 heures que les amours essayent d'arrêter. « Laissez-moi cette pendule, » dit le baron stupéfait de la beauté de cette œuvre. « Je veux la montrer au ministre de l'Intérieur et du Commerce. »